إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui avec le cours numéro 19 dans l'explication du livre Fadl al-Islam avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et aujourd'hui, on va commencer à expliquer le hadith que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné à la suite. Et c'est le célèbre hadith de Hudhayfa. Le célèbre hadith de Hudhayfa. Donc, on va lire le hadith, puis après, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan. Bon, le hadith, c'est le hadith suivant. An Hudhayfa, radiallahu anhu, قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنوه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد هذا الخير أو فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un hadith rapporté selon Hudhayfa, Hudhayfa ibn al-Yaman, le grand sahabi, hein, celui qui possédait le secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait confié le nom des munafiqin, la liste des noms des munafiqin. Donc c'était le sahabi qui avait le secret du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Hudhayfa, radiallahu anhu, que les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du bien. Mega, tu veux t'asseoir là? T'es en dehors de mon champ de vision, là j'arrive pas à te voir. Hein? Je veux voir tout le monde en même temps. Barakallahu fik. Donc, il dit donc, les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du bien, au sujet des choses, des bonnes choses. Tandis que moi, je demandais au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du mal. Parce que je craignais que ces choses mauvaises m'arrivent. Donc, au lieu de demander le bien, par exemple, les gens posaient des questions au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des bonnes actions, au sujet du paradis, au sujet de tout ce qu'il y avait des choses bonnes, hein, des bonnes œuvres, ainsi de suite. Lui, Hudhayfa, radiallahu anhu, c'est le contraire. Il demandait toujours au sujet des choses mauvaises. Il demandait au messager d'Allah, qu'est-ce qui arrive si je fais tel péché? Qu'est-ce qui arrive si je fais telle chose mauvaise? Ou bien, ô messager d'Allah, parle-nous de la fitna, parle-nous des problèmes. Est-ce qu'il va y avoir des choses mauvaises qui vont arriver? Et ainsi de suite. Et lui, Hudhayfa, radiallahu anhu, il demandait au sujet du mal, pas parce qu'il voulait le mal. Il demandait au sujet du mal parce qu'au contraire, il voulait le bien et il voulait s'écarter du mal. Donc le fait de demander au sujet du mal, c'est un moyen de s'en protéger. Et c'est pour ça qu'il demandait. Il dit, je demandais au sujet du mal parce que je craignais que le mal m'atteigne. Alors, il a dit, ô messager d'Allah, nous étions dans la djahiliya et dans le mal. C'est-à-dire, on était à l'époque dans la djahiliya, dans le shirk, dans le kufr, dans toutes sortes de péchés et dans le mal. Puis Allah nous a ramené ce bien, c'est-à-dire l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura du mal? Il a dit oui. Alors, Hudhayfa a dit, et est-ce qu'après ce mal, il y aura du bien encore? Il a dit oui. Et il a dit, il y en aura du bien, mais dedans, il y aura un peu de brume, un peu de fumée. Ce sera un peu brumeux, ce ne sera pas clair. Et Hudhayfa a demandé, qu'est-ce que sera cette brume, ou qu'est-ce que sera cette fumée, cette chose qui ne sera pas claire? Il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, ce sont des gens qui se basent sur autre que ma sunna. Ils se basent pas dans leur comportement sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se basent sur autre que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils prennent comme guidance autre que ma guidance. Ils prennent autre chose que ma guidance comme modèle. Et il y a des choses que tu vas approuver d'eux et il y a des choses que tu vas désapprouver. Donc ces gens-là, il y a des choses qu'ils font qui sont correctes et d'autres qui sont mauvaises. Donc c'est ça le dakhan. C'est ça qui est pas bon. Il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises dedans. Et Hudhayfa a dit, est-ce que après ce bien, il y aura un mal après encore? Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, oui, une fitna aveugle. C'est-à-dire une fitna aveugle, c'est-à-dire des gens de problèmes, de tribulations qui se produisent dans la Ummah, qui sont tellement compliquées et tellement grandes qu'on ne peut pas distinguer qui est sur la vérité, qui n'est pas sur la vérité. Et des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Quiconque les répond à leur invitation, ils seront jetés dedans, c'est-à-dire jetés dans l'enfer. Alors il dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. C'est décris-nous ces gens-là qui invitent aux portes de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont des gens de la même peau que nous, même origine que nous, même race que nous. Et ils parlent de la même langue que nous. Alors, Hudhayfa a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu me commandes de faire si cette chose-là arrive lorsque je suis en vie? Lorsque je suis encore en vie, je vois ces choses-là, qu'est-ce que je fais? Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit, alors tu restes avec le groupe des musulmans ainsi que leur imam, leur dirigeant. Et Hudhayfa pose encore la question. Et s'il n'y a pas de jama'a, s'il n'y a pas de groupe, s'il n'y a pas de dirigeant, qu'est-ce que je fais? Il a dit, dans ce cas-là, tu t'écartes de tous les groupes, de toutes les sectes, et tu restes à mordre, même si tu dois mordre après le tronc d'un arbre, jusqu'à ce que la mort te vienne, alors tu restes dans cet état-là. C'est-à-dire, tu restes tout seul et tu t'accroches au Coran et à la Sunna et tu ne suis aucun de ces groupes. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est un grand hadith, un hadith avec de grandes significations. Et on voit à quel point, yarhamukallah, on voit à quel point Hudhayfa, il est toujours en train de demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de rajouter des clarifications, d'augmenter les détails pour expliquer de plus en plus comment reconnaître la vérité de qu'est-ce qui est faux. Maintenant, on va lire ensemble l'explication du hadith du Cheikh Al-Fawzan. Et on voit que le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith-là et il nous donne en même temps beaucoup de mise en garde, beaucoup d'avertissements, beaucoup de conseils par rapport justement à comment on doit comprendre ce hadith-là dans le contexte actuel, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit « هذا لا شك أنه مطلوب أن تسأل عن الخير وأن تتعلم ما فيه من الخير والصلاح ولكن لا تقتصر عليه بل عليك أن تعرف ضده عليك أن تعرف الشر وهو ضد الخير لأن لا تقع فيه فيجب عليك أن تتعلم الأمرين الخير والأعمال الصالحة وكل ما يؤدي إلى الخير من الأعمال والأقوال والعقائد وغير ذلك ولا بد أن تعرف ما يضاد وما يضاد ذلك وما يخالفه حتى يسلم لك هذا الخير لأنك إذا اقتصرت على تعلم الخير ولم تتعلم ما يخالفه ويضاده فربما أنك تقع في أشياء تذهب بهذا الخير وأنت لا تدري فمثلا إذا تعلمت التوحيد وإفراد الله بالعبادة فلا بد أن تتعلم ما هو الشرك الذي هو ضد التوحيد وهو عبادة غير الله وكيف تكون عبادة غير الله لأن الإنسان قد يعبد الله ويكثر من العبادة ولكن لا يتجنب الشرك خصوصا وأن كثيرا من الناس يقعون في الشرك وهناك دعاة إلى الشرك فربما أنه يقع في شيء من الشرك يظنه خيرا لأنه لبس عليه فهذا الشرك يبطل عمله وهو لا يدري فلا بد أن تتعلم الخير إلى جانب وإلى جانبه تتعلم ما يضاده ويخالفه. Donc le cheikh explique en commençant que il y a pas de doute que c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qu'on doit essayer de rechercher, c'est-à-dire de demander au sujet du bien et d'apprendre le bien, tout ce qui contient du bien et tout ce qui contient de la réforme. Tu dois l'apprendre, mais ne te limite pas uniquement à apprendre le bien. Tu dois également apprendre ce qui s'oppose au bien. C'est-à-dire, tu dois t'apprendre qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est mauvais, hein, et qu'est-ce qui est le contraire du bien pour pas tomber dans ce mal. C'est bien aujourd'hui d'apprendre le bien, mais il y a des gens qui se limitent uniquement à ça. Donc, le cheikh il dit, si tu te limites uniquement à ça, tu risques de tomber dans le mal. Parce que tu connais pas le mal. Donc, il faut que tu apprennes les deux. Le bien, les bonnes actions, tout ce qui amène au bien, les bonnes actions, les bonnes paroles, les bonnes croyances, ainsi de suite. Ça, tu dois l'apprendre. Et tu dois également apprendre tout ce qui est opposé à ça. Et ce qui s'oppose à ça, pour que tu puisses être certain que le bien que tu as appris va rester avec toi. Et pour pas que tu le perdes et que tu le gaspilles inutilement. Parce que si tu te limites uniquement à apprendre le bien et que tu n'as pas appris ce qui est opposé au bien, peut-être que tu vas tomber dans des choses qui vont te faire perdre ce bien que tu as appris. Et toi, tu t'en aperçois même pas et tu es même pas au courant. Comme par exemple, tu dois apprendre le tawhid. Et tu dois apprendre que le tawhid, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ton adoration et de faire que ton adoration soit uniquement pour lui. Donc ça, il faut absolument que tu le saches et que tu l'apprennes. Et il faut également que tu apprennes qu'est-ce que c'est le shirk. Et que le shirk, c'est le contraire du tawhid. Et c'est d'adorer d'autres que Allah. Ou d'autres avec Allah. Donc, il faut que tu saches comment elle se manifeste, cette adoration-là, pour autres que Allah. Parce qu'il est possible, alaykoum salam, il est possible qu'un homme adore Allah subhanahu wa ta'ala et il fasse beaucoup d'adoration. Mais il ne s'écarte pas du shirk. Et en particulier qu'il y a beaucoup de gens à notre époque qui font du shirk et qui commettent le shirk. Et il y a des gens qui invitent les autres à commettre le shirk également. Et donc c'est possible que quelqu'un tombe dans quelque chose de shirk et il pense que c'est quelque chose de bien parce qu'on l'a trompé à ce sujet-là. Il ne savait pas que c'était du shirk ou des choses de ce genre. Et il commet du shirk, il adore d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce shirk annule toutes les œuvres qu'il a fait, toutes les bonnes œuvres qu'il a pratiquées, elles sont annulées à cause de ce shirk. Donc, il faut absolument que la personne apprenne le bien, mais qu'elle apprenne également ce qui s'oppose au bien et ce qui est contraire au bien pour justement faire en sorte que le bien qu'il fait va être préservé et va être protégé. وهذا بخلاف ما ينادي به اليوم الكثير من الجهال والمضللين والمغرضين الذين يقولون علموا الناس التوحيد، علموهم الصلاة وأفعل الخير، ولكن لماذا تعلمونهم نواقض الإسلام والشرك، وتعلمونهم عقائد الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم؟ لماذا لا تقتصرون على العقائد الصحيحة وتتركون بيان العقائد الفاسدة؟ وهذا جهل أو تضليل، لأنه لا يكفي تعلم العقائد الصحيحة، بل لا بد أن نعرف أيضا العقائد الفاسدة والباطلة من أجل أن نتجنبها نجنبها أولادنا وإخواننا من أجل أن نتجنبها ونجنبها أولادنا وإخواننا. ولذلك رد العلماء على الجهمية والمعتزلة والمخالفين، وهذا شيء موجود، فلو أنهم سكتوا عن أهل الضلال ولم يردوا عليهم لراجت أفكارهم وشبهاتهم. لم يقل العلماء نقتصر على معرفة الخير فقط، بل عرفوا الناس الشر من أجل أن يتجنبوه. وتجد الآن في كتب العقائد خصوصا الموسعة بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما يضادها وإيراد الشبهات التي يدلي بها أهل الشر من أجل الرد عليها، لئلا يغتر بها من لا يعرفها وإن كان من أهل الخير، لأن الذي يجهل الشيء يوشك أن يقع فيه. Donc le cheikh il explique que il y a des gens aujourd'hui qui appellent à l'opposé de ça. Il y a beaucoup de gens parmi les ignorants, parmi les égareurs, parmi les gens qui ont des mauvaises intentions aujourd'hui, qui disent aux gens, enseignez aux gens le tawhid, enseignez-leur la prière, enseignez-leur les bonnes actions. Hein? Mais pourquoi vous leur enseignez les choses qui annulent l'islam ou le shirk, ou vous leur enseignez les croyances des Jahmiyyah et des Mu'tazila et de ceux qui sont dans cette catégorie-là ou dans cette voie-là? Pourquoi vous ne vous limitez pas à leur enseigner les bonnes croyances, les croyances correctes, et que vous abandonnez pas la clarification des fausses croyances? Et le cheikh, il dit ça, c'est soit de l'ignorance de leur part, ou qu'ils veulent égarer les gens. Parce que c'est pas suffisant d'enseigner aux gens la bonne croyance. Hein? Il faut absolument que les gens connaissent également les fausses croyances, les croyances fausses, dans le but de s'en écarter et dans le but d'écarter nos enfants et nos frères de ce genre de fausses croyances. Pourquoi les ulama dans le passé, ils ont réfuté les Jahmiyyah et les Mu'tazila et ceux qui, les autres parmi ceux qui ont contredit le Coran et la Sunna? Ça c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui est présent dans les livres. Si les ulama de l'islam dans le passé, ils s'étaient tus au sujet des gens de l'égarement et qu'ils ne les avaient pas réfutés, alors aujourd'hui ces idéologies-là et ces pensées-là et ces choubouhats se seraient répandues partout, hein, parce que on n'aurait pas eu accès aux livres de réfutation de ces idéologies-là. Donc le cheikh il dit, les ulama n'ont pas dit limitez-vous uniquement à connaître le bien au contraire, ils ont dit également enseigner aux gens également les choses qui sont mauvaises, dans le but de prévenir les gens et de faire en sorte qu'ils s'en écartent. Et tu vois aujourd'hui, dans les livres de croyance, dans les livres qui expliquent la aqida, en particulier les livres qui sont assez élaborés et qui rentrent dans les détails, tu trouves dans ces livres-là les explications de la croyance correcte et également l'explication de ce qui s'oppose à ces croyances correctes. Et il mentionne également les choubouhats de ces gens-là. Les choubouhats, c'est quoi? Les choubouhats, c'est les choses, les arguments que les gens d'égarement utilisent, qui ont une apparence de vérité, mais qui sont remplis de mensonges et de faussetés. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle choubouhat, qui est le pluriel de choubha, qui signifie quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui est faux, en fait. Donc, c'est des faux arguments. Et donc, pourquoi les ulama ont mentionné ces shubuhat? Ils les ont mentionnés justement pour les réfuter, pour pas que les gens soient trompés par ce genre de faux arguments. Et pour qu'ils sachent comment répondre à ces faux arguments lorsque les gens viennent avec ces faux arguments-là. Même si ce sont des gens du bien, ils peuvent être trompés s'ils les ignorent. Et donc c'est pour ça que les ulama ont parlé de ces choses-là dans leurs livres. لأن الذي يجهل الشيء يشك أن يقع فيه. Celui qui ignore, il risque de tomber dans l'erreur. ولهذا يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فلا بد من هذا الأمر. وهذا حذيفة رضي الله عنه هو صحابي جليل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر ولم ينهاه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اجتنب هذا ولا تسأل عنه بل أقره الرسول صلى الله عليه وسلم وبين له عما سأله من الفتن وبين له صلى الله عليه وسلم الفتن وأن الدنيا دول تارة يأتي خير وتارة يأتي شر ويتعاقب هذا وهذا على الناس للابتلاء والامتحان فلا بد أن يكون المسلمون على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج الشر عليهم لأن الشر له دعاة حريصون على رواجه يزينونه بزخرف القول وبالعبارات الرنانة ويسمونها بأسماء مغرية فلو لم تعرفوا هذه الشبهات وهذه الدعوات الضالة لأوشكوا أن يروج هذا عليكم فتقبلونه فهذه هي الحكمة من أننا نتعلم الخير ونتعلم الشر يعني نتعلم ما يضاد الخير ويخالفه حتى نسلم منه. Donc le cheikh explique ici, il dit qu'il y a une poésie en arabe, un poète qui dit « J'ai connu le mal, non pas pour le mal lui-même, mais pour m'en protéger. » Et celui qui ne connaît pas le mal du bien, il tombe facilement dedans. Ça c'est la signification du poème, ou de cette poésie. Et donc il faut absolument suivre cet exemple. Et Hudhayfa radiallahu anhu, c'est un noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il demandait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit que c'était pas correct. Il ne lui a pas interdit de poser ce genre de questions. Il ne lui a pas dit évite ces choses-là. Demande pas à propos de ces choses-là. Hein? Et il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui ont cette mentalité-là. Et moi-même, j'ai eu affaire à des musulmans ici même à Montréal qui avaient cette mentalité-là, qui disaient t'as pas besoin d'apprendre les choses qui sont pas correctes, ou t'as pas besoin de connaître qu'est-ce qui est pas bon. Apprends le bien, tu vas reconnaître le mal automatiquement tout seul. Et ça, c'est pas nécessairement vrai. Quelqu'un peut connaître la bonne croyance et connaître le bien, mais ne pas être capable de distinguer parfois quand certaines faussetés lui sont présentées, d'être capable de savoir est-ce que c'est vrai ou non, parce que des fois c'est quelque chose qui vient amener de la confusion, qui vient amener des doutes, qui vient te mélanger dans ta connaissance. Et donc c'est pour ça que c'est pas suffisant de connaître uniquement le bien, il faut aussi connaître le mal qui vient avec. Et yani, le cheikh il dit ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit donc à Hudhayfa par exemple évite ces choses-là, ne demande pas à ce sujet-là. Au contraire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a approuvé de ce que Hudhayfa a demandé et il lui a clarifié les choses qu'il lui a demandé au sujet des différentes fitanes et différentes tribulations qui pouvaient se produire. Barakallahu fik. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a expliqué que ce monde, il y a des périodes. Il y a des fois du bien et il y a des fois du mal. C'est pas quelque chose qui est constant. C'est pas comme s'il y a le bien puis que ça reste toujours bien, ou mal et que ça reste toujours mal. C'est périodique. Des fois ça, c'est le bien, des fois c'est le mal. Des fois c'est le bien, des fois c'est le mal. C'est des choses qui s'enchaînent et qui se suivent l'une après l'autre. Hein? Donc, les gens ont à faire face à cette réalité. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les choses se produisent de cette manière pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Si toute chose était toujours bien, alors les gens n'auraient pas d'épreuve, ne seraient pas mis à l'épreuve dans leur foi. et dans leur connaissance et dans leur foi et dans leur piété. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que des fois il y a des périodes où il y a du mal, justement pour tester ces gens-là, pour voir leur foi. Et la même chose pour le contraire, si c'était toujours mal, hein, on ne pourrait pas distinguer non plus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte qu'il y ait ces périodes justement pour mettre les hommes à l'épreuve. Et il faut que les musulmans soient prêts et qu'ils se préparent eux-mêmes pour combattre et pour affronter le mal, pour pas que le mal se propage autour d'eux. Parce que le mal, il y a des gens qui invitent à le suivre et à le faire. Et c'est ça aujourd'hui à notre époque, le malheur, c'est ça. C'est que le mal, il se propage, il se répand autour de nous, et il n'y a personne qui fait rien, il n'y a personne qui dit rien. Souvent, pourquoi? Parce que les gens ne reconnaissent pas le mal. Ils ne savent pas que c'est mal. Hein? Il y a beaucoup de musulmans, par exemple, qui viennent même maintenant dans les pays musulmans, dans le cœur des pays de l'islam, des gens viennent, que ce soit des musulmans et même parfois yani, des non-musulmans, mais aussi maintenant des musulmans qui sont, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, de notre peuple, de notre langue. Ils viennent avec des idées qui sont contraires à l'islam et on dirait que les gens ils ne reconnaissent pas que ces idées-là sont contraires à l'islam et ils laissent ces idées-là se propager. Et ils ne peuvent pas les opposer ou les affronter parce qu'ils n'ont pas les armes nécessaires pour le faire. Et quand on critique le mal et quand on clarifie aux gens le mal publiquement devant tout le monde et qu'on leur fait comprendre la différence entre le bien et le mal, tout de suite on voit les yeux des gens qui s'éclairent et les gens qui appellent au mal sont démasqués et ils ne savent plus où aller se cacher par la suite. Et c'est pour ça qu'ils détestent les gens qui clarifient et qui expliquent aux gens la vérité et ils veulent les faire taire en leur disant « Apprenez seulement aux gens le bien ». Et expliquez-leur pas le mal, expliquez-leur pas les choses qui sont contraires à l'islam, concentrez-vous sur le bien, pour pas que les gens se réveillent, pour pas que les gens soient conscients de la réalité du mal. Bon, le cheikh il dit que les gens du mal sont nombreux et ils appellent au mal et ils propagent le mal, donc il faut être prêt pour affronter le mal et ceux qui le propagent. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont très motivés à faire propager le mal et ils l'embellissent avec toutes sortes de belles paroles, toutes sortes de belles expressions, des beaux slogans et des noms qui sont yani, plaisants quand on les entend, hein, des idéologies comme ça qu'ils nous proposent ou auxquelles ils nous invitent. Et ils utilisent des termes très beaux pour les décrire. Quand on les entend, on dit, ou on pense que c'est quelque chose de positif, mais en dessous ou en arrière, il y a des choses qui sont empoisonnées. C'est des mensonges. Hein? Mais ils les habillent, ils les enveloppent avec un bel emballage pour nous faire croire que ce sont des belles choses. Hein? Donc si les gens ne connaissent pas les shubuhat, hein? Et si les gens ne connaissent pas la réalité de ces gens qui appellent à l'égarement, alors c'est facile de voir par la suite que ces faussetés vont se propager parmi les gens et les gens vont les accepter. Donc, voilà où se tient la sagesse du fait qu'on doit apprendre le bien et on doit également apprendre le mal. C'est-à-dire qu'on apprend le bien et ce qui s'oppose au bien. Pour être capable de s'en protéger et de s'en éloigner. Donc, le cheikh il dit ensuite, يعني نتعلم ما يضاد الخير ويخالفه حتى نسلم منه. وهذا حذيفة رضي الله عنه في هذا الحديث الصحيح. وهذا حذيفة في هذا الحديث الصحيح وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا تسأل عن الشر؟ فالإنسان على خطر لا يزكي نفسه ولا يقال ولا يقول أنا عرفت الخير ويكفي بل لابد أن يعرف هذه الأمور لخطرها ولتكررها على الناس والدعوة إلى الانحراف والضلال مستمرة لا تنقطع الآن هناك من يدعو إلى مذهب الجهمية وإلى مذهب المعتزلة وإلى القبورية وإلى الصوفية وإلى غير ذلك من الدعوة إلى الانحراف. فلو لم نتعلم الرد على هؤلاء ونعرف شبهاتهم لراجت هذه الأمور ولذهبت السنة. فلا بد من المقاومة ولا بد من معرفتها من معرفة المرض ومعرفة علاجه. Donc le cheikh explique par la suite donc que le prophète صلى الله عليه وسلم il a approuvé de l'exemple de Hudhayfa et il ne lui a pas dit pourquoi tu demandes au sujet du mal, demande au sujet du bien. Il a pas, le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas dit ça. Le cheikh il dit donc que l'homme est en danger. L'homme est en danger à tout moment. Il ne doit pas se sentir en paix et se purifier lui-même et dire ça y est, moi je suis musulman, je suis bien guidé, hein? Ou bien je connais la sunna, donc je suis sauvé. Ou bien de dire je suis sur l'islam, je suis sur la sunna, je suis un musulman, je suis salafi, je suis la voix des salaf al-salih, donc je suis sauvé. Non, tu es jamais à l'abri. Et donc, il ne doit pas dire, moi je connais le bien, et ça c'est suffisant. Il faut absolument que tu connaisses ces choses-là, et le danger qu'elles contiennent, dans les choses qui sont mauvaises, et le danger que ces choses-là contiennent, parce que elles reviennent constamment chez les gens. Et les gens qui appellent à l'égarement, ils continuent tout le temps, ils ne cessent jamais, ils n'ont jamais cessé leur travail. Et les égarements, elles reviennent tout le temps. Et en plus, quand elles reviennent, elles se manifestent, mais des fois, elles se transforment au fur et à mesure. Elles viennent à un moment donné d'une certaine façon, et tu la rejettes. Elle revient, elle se transforme, elle revient encore d'une autre manière, et là, tu l'acceptes. Parce que tu ne l'as pas reconnue. Elle a fait des petits changements en elle-même. Tu dis, ah, mais ce n'est pas la même chose, donc je l'accepte. Et tu t'égares, parce qu'elle revient tout le temps, elle revient tout le temps et elle ne se manifeste pas toujours de la même manière. Donc le mensonge, il faut s'en méfier. Et le cheikh il dit, il y a des gens aujourd'hui qui appellent à la voix des Jahmiyyah, il y a des gens qui appellent à la voix des Mu'tazila, des sectes égarées, hein? Il y en a des gens qui appellent à Al-Quburiyya. Qu'est-ce qu'on appelle Al-Quburiyya? Des gens qui appellent à l'adoration des tombes, à l'adoration des saints, à l'adoration des morts, hein, et à leur vouer des prières ou des cultes, à leur sacrifier des animaux, ainsi de suite. Il y a des gens qui appellent au soufisme et à beaucoup d'autres formes d'égarement. Donc, si on n'apprend pas comment réfuter ces idéologies-là, et ces fausses croyances, et ces shubuhat, alors ces shubuhat vont se propager parmi les gens, et la sunna va disparaître. Donc, il faut apprendre à combattre ces idéologies et à les réfuter. Et donc il faut connaître la maladie si on veut la guérir. Et c'est comme ça aussi, la même chose. Quand on veut, un médecin il veut guérir une maladie, il faut qu'il la connaisse. Hein? Et souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'isoler la bactérie ou le virus ou la source de cette maladie pour essayer de l'analyser, de faire des tests pour voir c'est quoi sa source, c'est quoi son origine, qu'est-ce qui peut être utilisé comme remède contre ce problème, et après, il fait quelque chose pour l'éliminer. Un remède, un médicament, il le prend et il fait des tests, et puis après, il le détruit. Donc, si c'est comme ça dans les choses de la dunya et dans la médecine, alors dans la religion, c'est la même chose aussi. Dans l'ilm et dans la science de l'islam, quand il y a des gens qui propagent des faussetés, c'est comme les virus dans les ordinateurs. C'est la même chose. Il y a un programme et quelqu'un invente un virus pour détruire ce programme, hein, pour briser son programme. Toi, tu vas apprendre des choses qui vont faire annuler ce virus-là, qui va le détruire ou qui va l'éliminer. Donc, c'est avec la connaissance que tu peux faire ça. Hein, et en connaissant le virus, tu vas être capable de le détruire. Mais si tu ne le connais pas, tu ne peux pas. Donc ça, c'est des exemples. Tout ça, ça revient toujours à nous faire comprendre la réalité de ce qu'on doit connaître par rapport au bien et au mal. Et le cheikh dit ensuite, « فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بما يكون وهذا من علامات النبوة حيث إنه صلى الله عليه وسلم يخبر عن الشيء قبل وقوعه لأن الله أطلع رسوله على ما يكون في المستقبل من أجل أن ينبه الناس ويحذر الناس من هذه الأمور إذا حدثت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Donc le cheikh il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a informé Hudhayfa de ce qui allait arriver dans l'avenir. Et ça fait partie des signes de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de quelque chose qui ne s'était pas produit encore et qui s'est produit par la suite. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a fait connaître cette connaissance de qu'est-ce qui allait arriver dans l'avenir, dans le but d'informer les gens et de mettre les gens en garde contre ces choses-là qui vont se produire dans l'avenir. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Irbad ibn Sariya, quand il a dit: celui qui vivra après verra beaucoup de divergences, alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous fermement à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, avec vos dents, et prenez garde aux choses inventées dans la religion, car toute chose inventée est une bid'a, est une innovation, et toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et donc il nous met en garde contre tout ce qui est inventé dans la religion. Déjà, qu'est-ce que les gens peuvent inventer comme pratique religieuse ou comme croyance ou ainsi de suite. Donc tout ça c'est des choses qui sont parmi les pires choses, et le prophète nous a mis en garde contre les innovations. Et il dit dans un autre hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira, il dit: quiconque invite à une guidance ou à une bonne voie, une voie de guidance, eh bien il aura la récompense de cette guidance là et de tous ceux qui l'ont suivi, la récompense de tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela diminue quoi que ce soit de leur récompense à eux. Et celui qui invite à l'égarement, il aura le péché de son égarement à lui et le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans cet égarement-là, sans que cela ne diminue en quoi que ce soit leur péché à eux. Donc ça c'est les résultats de quelqu'un lorsqu'il appelle à l'égarement ou lorsqu'il appelle au bien. S'il appelle au bien, il a le bien qu'il a fait lui-même et le bien de ceux qui le font avec lui. Et s'il appelle au mal ou à l'égarement ou à la bid'a, il aura le péché qu'il a fait lui-même et le péché de tous ceux qui l'ont suivi dans cette contradiction ou dans cette chose qui est contraire à l'islam. Ensuite, le cheikh dit: كل ذلك من أجل أن يكون الناس على معرفة وبصيرة إذا حدثت هذه الأمور فيكون عندهم استعداد لمقاومتها والتحذير منها وأن لا يغتروا بها. فحذيفة رضي الله عنه في النهاية سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أدركه هذا ماذا يفعل؟ قال له: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه هي العصمة من الفتن، أي أن تكون مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالتزام جماعة المسلمين ويقول: يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من خالف الجماعة فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Donc le cheikh il dit que tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé des choses qui vont se produire dans l'avenir, dans le but que les gens soient informés et qu'ils connaissent et qu'ils comprennent ces choses, qui vont se produire dans l'avenir, des choses mauvaises, ou de la division, ou des divergences, ou des innovations, ainsi de suite. Ils sont informés, donc ils vont être prêts. Ils vont être prêts à opposer ces choses-là, et à combattre ces choses, et à mettre en garde contre ces choses-là, et ils vont pas se laisser tromper facilement par ces faussetés-là, ou par ces choses-là. Et donc, dans le hadith, à la fin, Huzaifa, il demande au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais si ces choses-là m'arrivent? Si j'arrive et je vois ces choses-là devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, tu restes avec le groupe des musulmans et avec leur imam, avec leur dirigeant. Hein? Et donc, il y a dans ça la protection contre les fitanes. Contre les fitanes, c'est-à-dire les tribulations et les problèmes. C'est-à-dire que tu restes avec la jama'a, tu restes avec les musulmans. Tu restes avec les musulmans et leurs dirigeants. Ça, c'est le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné aux musulmans, de rester avec al-jama'a, de ne pas s'écarter, de ne pas rester seul, de ne pas s'éloigner, de ne pas se séparer de la jama'a. Et il donne des hadiths à ce sujet-là, comme le hadith qui est rapporté par al-Hakim dans al-Mustadrak, selon Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, qui dit, tu restes avec la jama'a des musulmans. Non, il dit, la main d'Allah est sur la jama'a. Yadullahi ala al-jama'a. La main d'Allah est sur la jama'a. Et celui qui s'écarte, il s'écarte en enfer. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté selon Abu Daoud, dans son sunan. Également dans la musnad de l'imam Ahmed, selon Abi Zar, il dit, celui qui a contredit la jama'a, qui s'est opposé à la jama'a, et celui qui s'est opposé à la jama'a, c'est comme s'il a enlevé le collier qui le rattache à l'islam, de son cou. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Les ulama ont expliqué ce hadith. Celui qui s'écarte de la jama'a, c'est-à-dire il s'écarte du corps des musulmans, il sort, il laisse les musulmans et leurs dirigeants, il s'éloigne d'eux, ou se sépare d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a séparé. Quand on dit qu'il a enlevé le collier qui l'attache à l'islam, les ulama ont expliqué que le mot riqba en arabe, riqba, c'est comme un collier avec lequel on attache les petits des moutons, les agneaux. Aynam. Quand ils sont tout petits, pour pas qu'ils s'en aillent trop loin, on met un morceau de bois, puis on attache plusieurs cordes avec des colliers. On attache les agneaux avec les petits colliers comme ça pour pas qu'ils s'éloignent. Et c'est comme si en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de comparer l'islam avec ce genre de bâton qui est relié avec plusieurs cordes et qui retient chaque petit agneau pour pas qu'il s'éloigne et pour le protéger. Donc celui qui s'éloigne de la jama'a, c'est comme si en réalité il a enlevé ce collier de son cou qui le retient et qui le protège. Donc ça veut dire que il est parti, il s'est éloigné, maintenant il peut facilement se faire attraper ou se faire manger par un loup ou quoi, des choses comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il a quitté l'islam s'il a quitté la jama'a ou qu'il s'est éloigné de la jama'a. Ça veut dire qu'il est en danger. Ça veut dire qu'il est en danger et qu'il a opposé quelque chose de l'islam et qu'il a commis un péché, mais pas qu'il a quitté ou qu'il est sorti de la religion de l'islam, comme certains pourraient le comprendre. Donc, فَقَدْ خَلَعَ رِقْبَةَ الْإِسْلَامَ مِنْ عُنُقِهِ. C'est ça que ça signifie. C'est-à-dire, il s'est écarté de la jama'a, il s'est éloigné des musulmans et de leurs dirigeants, il s'est opposé à eux ou bien s'est éloigné d'eux. Alors ça, c'est une voie vers l'égarement. Et il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là. Et il mentionne un autre hadith qui est rapporté par Ibn Abdul Barr dans At-Tamhid, selon Abi Huraira et également selon Amr ibn Auf Al-Muzani radiallahu anhuma, qui est rapporté également par Al-Hakim dans Al-Mustadrak selon Ibn Abbas, et rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta également, qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, j'ai laissé parmi vous deux choses. Si vous accrochez à ces deux choses-là, vous n'allez jamais vous égarer après moi. Et il a mentionné les deux choses. Il a dit, le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc vous vous accrochez à ça, vous n'allez jamais vous égarer. Wa sayati fil ahadith halatul ghuraba fi akhir az-zaman. وما لهم من الأجر فملازمة جماعة المسلمين فيها العصمة وأما من شذ عن جماعة المسلمين فهو على خطأ وعلى شفير الهلاك وعليك أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين يعني بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين والجماعة لا تكون إلا بإمام ولا بد من الإمام ولا تكون جماعة بدون إمام يقودهم ويحميهم ويدير شؤونهم فلا بد من إمام يرجعون إليه. Donc le cheikh il dit que on va mentionner plus tard à la fin du livre un chapitre sur l'état des ghuraba à la fin des temps, c'est-à-dire al ghuraba qui sont-ils? Ce sont les étrangers qui s'accrochent à l'islam à la fin des temps, que tout le monde s'oppose à eux parce qu'ils s'accrochent à l'islam vers la fin des temps. On les appelle les étrangers. Et on va parler de ça, on va mentionner des hadiths à ce sujet-là et la récompense qu'ils vont avoir également. Donc le fait de s'accrocher au corps des musulmans ou à la jama'a des musulmans, il y a une protection là-dedans. Le fait de rester avec les musulmans, il y a une protection là-dedans. Et celui qui reste tout seul et qui s'écarte de la jama'a des musulmans, alors il est dans l'erreur et il est au bord de la perdition. Donc il faut que tu t'accroches au corps des musulmans. Tu ne restes pas tout seul et tu ne t'éloignes pas et tu ne rejettes pas l'autorité du dirigeant. Tu restes avec ton dirigeant, tu l'écoutes et tu l'obéis. Tu écoutes et tu obéis aux responsables des affaires des musulmans. Et la jama'a, elle ne peut pas exister sans un imam, sans un dirigeant. Donc il faut absolument qu'il y ait un dirigeant. Et il faut, il ne peut pas y avoir de jama'a sans imam, sans dirigeant. Il ne peut pas y avoir de jama'a sans dirigeant qui les guide et qui les protège et qui gère leurs affaires. Donc il faut qu'il y ait un imam vers lequel ils retournent. Donc, chaque pays musulman où il y a un dirigeant, les gens doivent retourner à leur dirigeant parmi les musulmans et écouter et obéir à ce dirigeant dans le bien et ne pas briser l'autorité de ce dirigeant ou rejeter l'autorité de ce dirigeant, parce que qu'est-ce qui risque d'arriver dans ce cas-là? Il risque d'arriver de la division, il risque d'arriver le sang qui va couler, les rébellions et les révoltes et les tueries. Et tout ça, c'est contraire à l'islam. Il n'y a plus de sécurité dans la société, il n'y a plus de respect des lois, plus rien, parce qu'il n'y a plus d'autorité. Donc il ne faut pas faire ça. Et on a vu les résultats de qu'est-ce qui se produit dans les pays musulmans, et même dans les pays non musulmans, lorsque les gens font des coups d'État, et lorsqu'il y a des renversements populaires ou des choses de ce genre, ça ramène toujours des conséquences, des problèmes et des choses qui contredisent l'islam. Donc le cheikh il dit « Wa alayka an talzama jama'at al-muslimin wa imam al-muslimin. Hada fihi najatun min al-fitan. Wa hada idha ta'ammaltahu wajadtahu mutabiqan li zamanina hada. Wallahu a'lamu bima ya'ti ba'dahu. Al-an al-fitan kathira wa shadida wa ad-di'ayat al-mudilla kathira. ووسائل نشر الشر توفرت ونشطت وصار الشر يروج ويدعى إليه ودعاة الضلال على قدم وساق والفضائيات في الفضائيات وعلى الإنترنت وفي الكتب يروجون الشر والضلال ويحرضون على الفرقة والاختلاف ويدعون إلى حرية الرأي وحرية الكلمة وما أشبه ذلك ويريدون أن يفككوا أوصال المسلمين فإذا لم يكن عندك خبرة من هذا الأمر وقعت في الهلاك إلا من رحمه الله. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ici, il met en garde les musulmans. Il dit donc, accrochez-vous au groupe des musulmans, restez avec le dirigeant des musulmans dans votre pays, là où vous êtes. Hein? Il y a un salut pour vous dans ça. Vous allez être protégé des fitanes, des problèmes. Hein? Et lorsque vous méditez et vous réfléchissez sur cet ordre, vous allez voir que ça, c'est en accord totalement avec notre époque. Qu'est-ce qui se produit à notre époque? Il dit, « Wallahu a'lamu bima ya'ti ba'da. » Allah subhanahu wa ta'ala connaît mieux ce qui va se produire après. Mais actuellement, les fitanes, les problèmes, les tribulations, les tentations, les conflits sont nombreux et sont durs et sont grands. Hein? Et les gens qui font de la propagande pour l'égarement sont nombreux. Les moyens de communication et de transmission des informations sont très nombreux maintenant, ils sont très actifs. Et on voit que le mal maintenant, il est propagé. On invite les gens à beaucoup de choses qui sont mauvaises, et les gens qui appellent à l'égarement sont prêts et sont debout. On voit que les chaînes satellites sont là, actives, qui appellent à toutes sortes d'égarements, et également sur l'Internet. Et il y a également des livres qui sont propagés et diffusés, qui invitent les gens à l'égarement et au mal, et qui incitent à la division et à la divergence. Des gens qui appellent à la liberté d'opinion, à la liberté de parole, et ainsi de suite. Donc, ils veulent diviser et complètement déchirer les bases les sources des musulmans. Et ils veulent égarer et diviser les musulmans. Et si les gens n'ont pas d'informations ou de connaissances au sujet de ces choses-là, ils vont tomber dans l'égarement et dans la perdition, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. فعليك أن تلزم جماعة المسلمين والحمد لله أنت في هذه البلاد السعودية في دولة مسلمة مع جماعة من المسلمين لهم إمام هذا من نعم الله سبحانه وتعالى فنحن في نعمة عظيمة ولكن لا تنسوا أن الأعداء يحفرون هذه الدولة يحفرون لهذه الدولة ولهذه الجماعة ويريدون أن يزيلوها من الوجود حتى تكون مثل البلاد الأخرى فلا يبقى أمامهم شيء يمنعهم فلنكن على حذر من هذا ألم يجدوا من أبنائنا من يفجرون ويتنحرون وينتحرون ألم يجدوا من أبنائنا من يفجرون ومن ينتحرون فما الغرض من هذا الغرض من هذا إشعال نار الفتنة وتفريق هذه الجماعة وإزالة هذه النعمة هذا هو الغرض الذي يريدونه يسمون هذا بالجهاد يسمونه باستشهادا في سبيل الله هذا من زخرف القول والترويج للباطل فهذه أمور علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها قبل وقوعها كلما حدث شيء من هذا يكون عندنا منه خبر ومعرفة وكيف نقاومه وكيف نسلم من شره. Donc le Cheikh, il dit donc, restez accrochés à la jama'a des musulmans. Et là, il parle maintenant de l'Arabie Saoudite. Il dit, Alhamdulillah, tu es dans un pays, l'Arabie Saoudite, un pays musulman, dans lequel il y a une jama'a des musulmans et un dirigeant. Donc, ça c'est une ni'ma d'Allah. Nous sommes dans une grande ni'ma d'Allah. Alors n'oubliez pas que les ennemis de l'islam, ils travaillent contre ce pays et contre cette jama'a. Et ils veulent enlever complètement ce pays de l'existence. Pour qu'elle devienne comme les autres pays. Et pour qu'il ne reste personne devant eux qui puisse les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Alors on doit être sur nos gardes et faire attention. Hein? Pour pas qu'on, ils disent, n'est-ce pas qu'on a trouvé parmi nos fils des gens qui se font exploser ou qui mettent des bombes et qui se suicide, c'est quoi le but derrière ça? Il dit, le but derrière ça, c'est d'allumer le feu de la fitna et de diviser la jama'a et d'enlever cette ni'ma, cette grâce qui existe. Et c'est ça le but qu'ils veulent derrière tout ça. Ils appellent ça le djihad et ils l'appellent d'être martyr dans le chemin d'Allah. Ils disent tout ça c'est des paroles embellies et des propagations de la fausseté et du mensonge. Hein, tout ça c'est des choses que le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. Il nous a averti de ces choses-là avant qu'elles se produisent. Hein? À chaque fois que ces choses se produisent, ah ben, on a des informations et des connaissances à son sujet qui nous permettent donc de savoir que c'est de l'égarement. Alors comment on peut par la suite... Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des informations et des connaissances pour être capable d'affronter ces choses-là et pour être épargné de ce genre de choses qui sont mauvaises. Hein? Et donc qu'est-ce que le cheikh il explique ici? C'est exactement la réalité. Des gens maintenant qui appellent à toutes sortes d'idéologies et qui appellent au djihad ou qui appellent à faire des attentats terroristes, des attentats suicides, et ils prétendent que de faire ça c'est dans l'islam et que de faire ça c'est quelque chose qui a rapport avec le djihad, et ils pensent qu'en faisant ça ils vont être des martyrs dans le chemin d'Allah. Le cheikh il dit tout ça c'est des paroles embellies et tout ça c'est de la propagation du mensonge. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Il n'y a personne qui a justifié ces choses-là parmi les ulama de l'islam. Et alhamdoulillah, donc ces choses-là, c'est important de les connaître et de les clarifier pour les musulmans, parce que par ces moyens-là, les munafiqins et les kuffars, ils vont essayer de diviser les musulmans et de combattre l'islam de l'intérieur. Et ces gens-là, ils ouvrent la porte aux kuffars et aux munafiqins par la suite pour dire, bon, regardez, ces gens-là, ils ont des idéologies qui sont contraires à nos valeurs, contraires au bien. Selon eux, ils vont dire, bon, ces gens-là, ils appellent au terrorisme, ils appellent à la violence. Ça, c'est pas bon. On va aller les combattre. On va aller les arrêter. Hein? Et ils vont en même temps détruire tout le bien qui est dans le pays. Pas seulement le mal, le bien aussi. Hein? Ils utilisent ces gens-là comme une excuse et un prétexte pour enrayer l'islam par la suite. Hein? Donc il faut faire attention à ça, parce qu'il y a cette tendance là maintenant qui se propage chez certains musulmans, ces idéologies. Ils croient qu'ils font le djihad pour le fisabilillah alors qu'ils sont en train de faire le djihad fisabil shaytan. Et on a demandé la question au cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah à propos de Al-Qaïda. Ils lui ont posé la question, est-ce que Al-Qaïda c'est des gens qui sont bien, parce qu'il y en a qui sont en accord avec eux, il y en a qui sont contre eux, et il y en a qui disent qu'ils font le djihad, et il y en a qui disent qu'ils font pas le djihad. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce qu'ils font? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il a répondu, il a dit, oui, Al-Qaïda, ils font le djihad, mais ils font le djihad fi sabili shaytan. Ils font le djihad fi sabili shaytan, dans le chemin du shaytan. Donc ils ne font pas le djihad dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est de détruire tout le bien qu'il y a dans les pays musulmans et d'allumer le feu pour provoquer les kuffars par la suite. Et peut-être même que ces gens-là, Al-Qaïda, sont une création même des kuffars qu'ils ont amenés dans les pays musulmans pour justement arriver à leurs objectifs d'attaquer et de détruire l'islam et les musulmans dans les pays musulmans en utilisant ces éléments-là qui sont des éléments de provocation pour par la suite attaquer l'islam et les musulmans de l'intérieur. Et aussi, ils utilisent ces gens-là comme une excuse pour discréditer l'islam et la réputation de l'islam sur le plan médiatique et sur le plan international. Parce qu'ils disent, regardez, c'est ça l'islam. C'est ça, tuer les gens, faire des bombes, faire des attentats, c'est ça, c'est une religion de violence, c'est une religion de haine, c'est une religion de destruction. C'est ça ce que les gens voient à la télévision par la suite. Et ils utilisent ces arguments-là, alors que c'est totalement faux. Mais les gens ne vont pas chercher plus loin que la, que qu'est-ce qu'ils vont voir avec leurs yeux. Ils vont pas essayer de vérifier est-ce que c'est vrai ou faux, qu'est-ce qu'ils entendent à la télé. Qu'est-ce qu'ils voient, c'est ça ce qu'ils vont prendre. Et donc il faut faire attention à ce genre d'idéologies qui sont propagées dans les pays musulmans. Ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit « فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن السلامة من الفتن إذا حدثت تكون بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وما دام المسلمون على طريقة صحيحة وعلى سبيل الهدى فكن معهم فإذا خرجت عن ذلك فأنت متوعد بأن يصليك الله جهنم وساءت مصيرا. Donc le Cheikh explique, ensuite il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il t'a indiqué, il t'a orienté vers la voie du salut de toutes les fitan et de toutes les tribulations, les problèmes et les conflits lorsqu'ils se produisent, et c'est de s'accrocher à la jama'a des musulmans et à leurs dirigeants. Et quiconque, hein, il mentionne le verset 115 dans Sourate An-Nisa, et quiconque fait scission avec le messager sallallahu alayhi wa sallam après que la guidance lui ait été clarifiée et qui suit autre que la voie des croyants, nous allons le laisser se détourner tel qu'il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Donc, tant que tu suis les musulmans et que tu es sur la voie correcte, la voie droite, sur la voie de la guidance, alors quand tu les vois, ces musulmans qui sont sur la voie correcte et sur la guidance, alors reste avec eux. C'est-à-dire, quand tu vois les musulmans qui sont sur le Coran et sur la Sunna et sur la voie des salaf al-salih, reste avec eux. Ceux qui s'opposent aux innovations et aux bidats, qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal, qui enseignent aux gens les enseignements de l'islam, reste avec eux. Hein? Reste avec eux. Et si ils sortent, et si tu sors de cette voie, alors dans ce cas-là, tu es menacé que Allah te brûle dans l'enfer. La jama'a, c'est d'être sur la vérité. D'être avec la jama'a. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit reste avec la jama'a des musulmans, c'est de rester sur la vérité. C'est-à-dire, comme Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il l'a dit, d'être sur la jama'a, c'est d'être sur la vérité, même si tu es tout seul. Donc il ne faut pas comprendre que la jama'a, c'est nécessairement un groupe ou une quantité de personnes ou un grand nombre de personnes ou la majorité, comme certains essaient de le faire comprendre aujourd'hui, il faut être avec la majorité. Non, peut-être que parfois la majorité, là où tu es, elle est dans l'égarement. Donc tu ne dois pas être dans l'égarement et tu ne dois pas suivre la majorité lorsqu'elle n'est pas sur le droit chemin. De suivre la jama'a, ça veut dire que tu suis la jama'a, la première jama'a, c'est-à-dire les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien, c'est eux la jama'a. Puis ensuite, à travers le temps, à travers l'époque, à travers les différents pays, il y a des gens qui vont être sur la vérité plus qu'à d'autres moments, il y a des gens qui vont être plus nombreux sur la vérité dans certains endroits que dans d'autres. Donc peu importe où tu es, à l'époque où tu vis, tu dois t'accrocher à la jama'a et rester avec la jama'a, et tu restes avec le dirigeant des musulmans. Hein? Et tu t'accroches avant tout à la vérité. Si tu quittes la voie des musulmans et la voie des croyants, alors dans ce cas-là, tu es menacé d'être brûlé dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Qala Hudhayfa, fa'in lam yakun lahum jama'a wa la imam, fa madha af'al, wa ila ayna alja'a. أين أذهب؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولا تدخل في مع هذه الفرق ومع هذه الجماعات الضالة ولا لا تنخدع بها، ابق وحدك وتمسك بكتاب ربك وسنة نبيك، ولو أنك وحدك فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحاصل أن هذا فيه التحذير من اتباع الفرق الضالة المنحرفة فإن وجدت جماعة للمسلمين وإماما لهم فكن معهم، وإن لم تجد فعليك أن تعتزل هذه الفرق كلها. وذكر صلى الله عليه وسلم فيما ذكر أنها تكون فتنة عمياء شديدة والعياذ بالله مظلمة، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، لا يقولون لهم تعالوا إلى جهنم، تعالوا إلى النار، يقولون تعالوا إلى الجنة وإلى الخير، ونحن مجاهدون ونحن ندعو إلى الله، ولكنهم في الواقع دعاة إلى جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. نقل الشيخ الزي حذيفة الزي سيتصح حديث سي إلنو باد جماعة سي إلنو باد إمام qu'est-ce qu'on fait alors, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, vers qui je me où est-ce que je vais me réfugier, où est-ce que je vais aller. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, s'ils n'ont pas de jama'a, s'ils n'ont pas de dirigeant, alors tu laisses toutes ces sectes, tous ces groupes, tu n'entres avec aucun d'entre eux, aucune d'entre ces organisations ou de ces groupes égarés, hein? Tu ne te laisses pas tromper, tu restes tout seul et tu t'accroches au livre de ton Seigneur et à la sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu dois rester seul, tu restes seul et tu t'écartes de tous les groupes et de toutes les sectes, même si tu dois mordre le tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort t'arrive, hein, alors tu restes comme ça. Et le cheikh il dit que ça c'est en même temps, c'est en réalité c'est pour mettre en garde contre les groupes et les sectes déviés et les sectes d'égarement. Donc, et le cheikh dit, si tu trouves un groupe des musulmans réunis autour d'un dirigeant, reste avec eux. Et si tu n'en trouves pas, alors écarte-toi de tous les groupes et de toutes les sectes. N'entre avec aucun d'entre eux. Et il a mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'il y allait avoir beaucoup de tribulations, beaucoup de fitan, beaucoup de problèmes. Hein? Alors, il y allait avoir des fitan amya, c'est-à-dire des fitan aveugles, qui sont dures, qui sont ténébreuses, dans lesquelles il est difficile de connaître le vrai et le faux. Hein? Alors, il a dit, et qu'il y allait avoir également des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Quiconque les invite, ils vont être jetés dedans. Et ces gens qui invitent aux portes de l'enfer, ils ne vont pas dire aux gens, venez aux portes de l'enfer, venez à l'enfer. Ils ne vont pas dire ça. Ils vont dire aux gens, venez au paradis, venez au bien. Nous sommes des mujahidoun, on fait le djihad fisabilillah. Ils ne vont pas dire aux gens, venez avec nous en enfer. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui appellent les gens à dire, venez à l'enfer, ou venez à l'égarement avec nous, ou venez à la bid'a avec nous? Non. Au contraire, ils vont dire, venez à la sunna, venez à l'islam, venez au paradis, venez, hein, yani au bien, venez au djihad. Nous, on invite à Allah. Mais le cheikh dit, mais en réalité, ce sont des gens qui invitent à l'enfer. Et quiconque les obéit et les suit, il sera jeté dans l'enfer. Donc ça veut dire que il faut pas se laisser impressionner ou se laisser tromper par les appellations ou par les mots ou par les termes ou par les slogans ou par l'apparence. Il faut voir la réalité de la da'wah. Qu'est-ce que c'est cette da'wah, hein? Et Huzaifa radiyallahu anhu, il a dit, le cheikh dit, wa Huzaifa radiyallahu anhu قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يأتون لا يأتون من الخارج أو من الدول الأجنبية أو من الدول الأجنبية، هم من أبنائنا ويتكلمون بألسنتنا أي باللغة العربية لأنهم منا، وهذا أشد. لو كان الداعية إلى الضلال قادم من الخارج أو من دول كافرة عرفه الناس ولم يثقوا به، ولكن المشكلة إذا كان من أبناء المسلمين ويتكلم باللغة الفصحى لغة العرب فعند ذلك تعظم الفتنة المصيبة. وهذا تفصيل من النبي أو من الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، وفيه تحذير من هذه الفتن وهذه الشرور، وأن تلزم ما عليه جماعة المسلمين وإمامهم، ولا تلتفت إلى هذه الفتن ودعاتها، ولكن احذرها أو احذر منها. فإذا كان هناك جماعات متعددة وهنا جماعة على الحق، فكن مع الجماعة التي على الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذه الفرقة الناجية 72 فرقة كلها في النار، وواحدة هي الناجية وهي 73، واحدة فقط. هذه الواحدة هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الناجية. فإذا كنت تريد النجاة فابقى مع هذه الفرقة ولا تغتر ببقية الفرق. Donc le Cheikh il dit que ensuite Hudhayfa il dit: décris-les pour nous, ô messager d'Allah, décris-les pour nous. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ils sont de la même race que nous, même origine que nous, et ils parlent de la même langue que nous. Et donc ils ne viennent pas de l'extérieur, ils ne viennent pas des pays étrangers, ils sont de nos propres enfants, ils parlent de notre propre langue, la langue arabe. Hein, parce qu'ils sont de nous. Et ça c'est encore plus dur. Si la personne qui invite à l'égarement, il vient de l'extérieur, alors c'est facile de le reconnaître. Hein? Si il vient des pays de Kufr, les gens vont les reconnaître. S'ils viennent de l'extérieur, les gens vont pas avoir confiance. Mais le problème c'est qu'ils viennent de nos propres enfants, les musulmans. Des enfants des musulmans, ils parlent notre langue, la langue arabe classique, ils parlent l'arabe. Et à partir de ce moment-là, c'est là que le malheur est plus grand. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a détaillé ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est qu'ils envoient beaucoup des jeunes dans des pays musulmans, ils les envoient étudier à l'extérieur, dans les pays occidentaux. Hein, comme les frères maintenant qui viennent étudier ici. Et certains, ils ont une bonne base solide, ils connaissent leur religion, ils connaissent leur aqida. Quand ils viennent, ils ne vont pas se faire tromper par les idées qui sont propagées dans la société occidentale. Ils ne vont pas être influencés par les comportements ou bien par le mode de vie de ces gens-là. Ils vont garder leur islam, ils vont garder leur croyance, leur aqida forte, et ils retournent dans leur pays faire ce qu'ils ont à faire par la suite pour enseigner aux musulmans les choses bénéfiques qu'ils ont appris dans les sociétés occidentales. Mais il y a d'autres catégories de musulmans qui vont venir étudier dans les pays occidentaux, qui n'ont pas une base solide dans la croyance ou dans la connaissance ou dans l'islam. Et quand ils arrivent ici, ils voient des choses autour d'eux, ils entendent des choses, ils se laissent influencer. Ils acceptent ces idéologies, ils acceptent ces croyances. Ils acceptent leur comportement. Ils pensent qu'ils sont plus évolués, plus avancés, plus intelligents, qu'ils ont des meilleures valeurs. Alors ils commencent à changer. Et ils retournent dans les pays musulmans, et au lieu d'enseigner aux musulmans les choses bénéfiques qu'ils ont apprises chez les koufars en Occident, ils vont enseigner les choses négatives qu'ils ont apprises chez les koufars, et ils vont transmettre les mauvaises influences et les mauvaises compréhensions qu'ils ont apprises aux autres musulmans là-bas. Et ils amènent la fitna avec eux. Et ils parlent la langue des gens, et ils sont de la même origine que les gens. Alors les gens acceptent d'eux les paroles et les explications, et ils les voient comme des modèles. Parce qu'ils disent: ces gens-là, ils ont connu les pays occidentaux, ils savent mieux que nous. Et donc ils égarent les gens à cause de ça. Et donc il faut faire attention, hein, parce qu'il y a des gens comme ça en Arabie Saoudite, il y a des gens comme ça en Afrique, il y a des gens comme ça en Asie, il y a des gens partout qui viennent ici, qui se laissent influencer par les koufars. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège. Et le cheikh il dit ensuite, donc que ça c'est un détail de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est clair, dans lequel il met en garde contre les fitanes qui met en garde contre le mal, hein, et donc il dit, il faut que tu t'accroches aux musulmans, tu restes avec les musulmans et le groupe des musulmans, et tu restes avec leurs dirigeants, et tu ne te tournes pas vers ces différentes fitan, ces différents conflits, ces différentes tribulations ou tentations ou autres. Et aux gens qui invitent à ces problèmes, hein, tu dois être en garde, être mis en garde contre ces choses-là et faire attention à ces choses-là. Et si tu vois qu'il y a plusieurs groupes, comme c'est le cas par exemple ici, ou comme c'est le cas dans d'autres pays également, tu vois qu'il y a plusieurs groupes, plusieurs organisations, plusieurs tendances, plusieurs sectes, plusieurs croyances, plusieurs mosquées, chaque mosquée a des différentes croyances ou des différentes méthodologies. Qu'est-ce que tu fais? Le cheikh, il dit, tu vois ça? Hein? Tu vois qu'il y a différents groupes, et puis tu vois qu'il y a un groupe qui est sur la vérité, alors reste avec le groupe qui est sur la vérité. Et c'est pour ça que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, cette umma va se diviser en 73 sectes, ou en 73 groupes. Chacun d'entre ces groupes-là sera en enfer, excepté un seul. Alors, on a dit au messager d'Allah, lequel sera-t-il? Hein? Lequel sera au paradis parmi les 73? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant, c'est ceux qui sont sur ce que je suis moi-même aujourd'hui et mes compagnons. Ça s'est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. C'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr. Et ce hadith, il est rapporté de différentes versions. Et certains sont authentiques et d'autres sont Hassan, et d'autres sont faibles, mais elles se renforcent les unes les autres. Et donc, les ulama ont accepté ce hadith-là et l'ont authentifié. Hein? Donc, si vous entendez des gens parmi les gens qui veulent propager les groupes et les divisions et les divergences, qui critiquent ce hadith, alors sachez que ces gens-là sont des gens qui appellent à l'égarement, des gens qui veulent mettre en garde contre le fait de s'unir sur la vérité. Parce que ce hadith-là, c'est une des bases parmi les hadiths que les ulamas de Ahl Sunnah ont utilisé pour appeler à la voie de la Sunnah et pour combattre les groupes d'égarement et les groupes de bid'a. Donc, le cheikh, il dit, cette secte qui est sauvée, parmi les 73, il y en a 72 qui vont toutes être en enfer et une seule qui va être au paradis. Une seule seulement qui va être au paradis. Les ulama ont expliqué ça. Ils ont dit, ça ne veut pas dire que tous les 73, hein, parmi les 72 qui vont en enfer, ils sont tous des koufars. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des non-musulmans ou qu'ils sont en dehors de l'islam. Certains de ces 72 sectes qui vont être en enfer sont des musulmans. Sauf que certains d'entre eux vont aller en enfer à cause de leur bid'a, à cause de leurs égarements. Tant que ce n'est pas arrivé au niveau de shirk majeur ou de kufr majeur, ils vont rester en enfer un certain temps. Ensuite, ils vont sortir. Mais ils ne vont pas être éternellement en enfer parce que ce sont des musulmans. Hein? Et donc, ils vont sortir de l'enfer si jamais ils rentrent. Et il y en a parmi ces groupes-là qui sont en dehors de l'islam parce qu'ils ont eu des croyances de shirk ou des croyances de kufr. Donc, ils ne sont pas tous au même degré. Ils ne sont pas tous au même niveau. Et il faut comprendre ça. Mais l'important, c'est de savoir qu'il y a, parmi ces 73, il y en a un seul qui va être sauvé et qui est sur la voie du salut, c'est celle qui suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la voie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là, c'est en réalité pour nous montrer le droit chemin, pour nous inciter à suivre ce chemin-là. Hein? C'est ça l'important, c'est ça qu'on doit comprendre dans le hadith. Hein? Que la voie du salut, c'est de suivre l'exemple. Donc, ça réfute en même temps ceux aujourd'hui qui appellent au pluralisme et au multipartisme et qui disent, oui, tout le monde peut choisir la secte qu'il veut, depuis qu'il se dit musulman, il est sur le droit chemin. Non, il y en a des groupes, des gens qui se disent musulmans avec la bouche et qui suivent autre que l'islam dans la réalité. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, le cheikh dit 72 en enfer, un seul qui sera au paradis, et c'est le 73e groupe, et la 73e secte, et c'est celle qui suit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et c'est eux qui sont le groupe sauvé. Et si tu veux toi-même être sauvé, toi, Alors, reste avec ce groupe et ne te laisse pas tromper par les autres groupes. Donc, si tu vois des gens dans un pays ou dans une ville ou dans une région où des gens suivent différentes sectes, différents groupes, différentes pratiques, différentes croyances, différentes tendances, et tous ces gens-là se disent musulmans, mais ils sont tous divergents entre eux, et que tu vois qu'il y en a un de ces groupes-là qui s'accroche à la sunna et qui appelle que au Coran et à la sunna et à la compréhension des salaf salih dans leurs croyances, dans leurs pratiques, dans leurs paroles, alors reste avec ceux-là et abandonne les autres. Hein? Donc ça c'est l'explication du cheikh, qu'est-ce qu'il a donné comme clarification au sujet du hadith de Hudhayfa. Et on va donc s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine avec les autres hadiths qui ont été mentionnés par le cheikh dans le livre. Donc subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.